Franck Ferrand évoque cet après-midi sur Europe 1 l'auteur de bande dessinée Hergé et son héros, Tintin. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Je vais en effet vous parler de Tintin. Nous allons partir pour Moulinsart, disons-le. Bien sûr. En compagnie de l'auteur du dictionnaire amoureux de Tintin, Albert Algou, qui est notre invité. Il y aura aussi, et ça je suis très heureux qu'il puisse être là, l'auteur de bande dessinée et grand scénariste Benoît Peters, qui d'ailleurs est bruxellois lui-même. Et justement, vous allez nous parler de Bruxelles après. Mais voilà, justement, j'aurai en ligne un des ténors du barreau bruxellois, notre ami Hippolyte Wouters, que connaissent bien les auditeurs de l'émission. Bref, les Belges sont à l'honneur cet après-midi sur Europe, à commencer par le premier d'entre eux, au moins dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand. Le petit Milou et l'oreille cassée, le carabou de Jean, les Dupont et Dupont avec un T, avec un D, tonnerre de Brest, le pantalon de golf, les bijoux de la Castafiore, bref. En 24 albums de 1930 à 1976, Hergé a imposé tout un univers. En 1935, Marcel Dehaye, qui était l'ami d'Hergé, qui deviendra plus tard son secrétaire, consacre un article au Lotus Bleu et il présente cet album comme étant, je le cite, un livre pour les enfants de 6 à 60 ans. Et vous savez ce qu'on en fera plus tard aux éditions Casterman, hein, cette signature justement, Tintin de 7 à 77 ans. En 1969, le général de Gaulle déclarait que son seul rival international, c'était lui, Tintin. Chaque année, environ 3 millions d'albums de Tintin sont encore vendus à travers le monde. On a traduit Tintin dans quasiment toutes les langues, y compris des langues mortes, figurez-vous. Et puis, il ne faut pas oublier tous les produits dérivés, les dessins animés, les films, etc., etc., et tous les petits objets que collectionnent certains, parfois pour un prix d'ailleurs très élevé. Il y a des ventes aux enchères assez étonnantes. Avec le temps, Hergé est devenu quasiment aussi célèbre que son personnage. Et ça, c'est assez rare dans le monde de la bande dessinée. C'est même un cas, sinon unique, du moins tout à fait rare. On le voit à Bruxelles, hein, où la figure d'Hergé est très présente. Et pourtant, on peut dire que de son vivant, tout n'a pas été simple pour Hergé, qui a été beaucoup critiqué, controversé, qui a connu au milieu de sa carrière une longue période de dépression, nous allons y revenir, une période qui aurait sans doute pu des difficultés, en tout cas qui aurait pu le conduire à abandonner son petit reporter et le fox terrier qui généralement l'accompagne. Je vous propose de retrouver Hergé. Alors Hergé sont ses initiales, hein. Il s'appelait Georges Rémy, donc GR. Il commence très tôt à signer sous ce nom d'Hergé. Il a 23 ans en 1930, ça fait 2 ans qu'il est le rédacteur du Petit 20e. Le Petit 20e, c'est le supplément jeunesse du journal Le 20e siècle. Grand journal, très établi à Bruxelles, journal proche de la droite catholique, disons. C'est au sein de la rédaction du 20e siècle qu'Hergé a rencontré son épouse, Germaine Kickens. On en reparlera tout à l'heure, c'est un élément très important dans sa biographie. C'est une très jolie secrétaire. Hergé est tombé sous son charme. Et le 5 juin 1930 paraissent les toutes premières planches de Tintin au Congo. Le Congo qui alors est une colonie belge. Le héros est donc né un tout petit peu plus tôt. Il a fait déjà un voyage au pays des Soviets. Tintin au pays des Soviets. Les Soviets, c'était l'URSS de Staline à l'époque, bien entendu. Dans cette première aventure, déjà le jeune reporter était accompagné de Milou, de son fox terrier. Milou, c'était, semble-t-il, le surnom d'une ex-petite amie d'Hergé. Il avait vraiment été très amoureux de cette Marie-Louise, sauf que le père de Marie-Louise s'était opposé à la liaison. Et voilà, ça s'était fini comme ça. Tintin au pays des Soviets a été un énorme succès, succès totalement inattendu. Ce qui fait d'ailleurs que le journal, à des fins publicitaires, avait organisé le retour en gare de Bruxelles Midi d'un vrai Tintin en chair et en os, qui a fait un scandale extraordinaire parce que, évidemment, on cherchait à lui poser des questions sur son véritable voyage en URSS. 10 000 exemplaires de l'album ont été épuisés. Hergé ne mise pas à l'époque seulement sur Tintin. Il a créé d'autres héros pour le journal. Et il faut vous dire aussi qu'il se vit comme un publicitaire. Nous en dirons un mot tout à l'heure avec Benoît Peters. L'atelier Hergé, dit le slogan, dit la petite publicité qui paraît à l'époque dans les journaux. L'atelier se fera un plaisir de vous créer la marque, le catalogue, l'affiche qui vous aideront à lancer ou à étendre votre entreprise. Oui, on est dans les tout début des années 30. Tintin est déjà une valeur sûre. Donc, gros succès de Tintin au Congo. Comme pour Tintin au pays des Soviets, on fait venir à la gare un jeune homme ressemblant à Tintin. Et puis, troisième aventure, Tintin en Amérique qui se vend également bien. On est là dans les États-Unis de l'époque de la Prohibition, évidemment. 1932 va marquer un tournant. J'ai envie de dire que tout change à ce moment-là. Hergé est marié avec Germaine. Il commence à travailler avec la maison Casterman. Un quatrième album oriental, si je puis dire, va arriver. Et là, ce sont les cigares du pharaon avec une toute autre narration. Tintin n'est plus seulement le petit reporter qu'on promène dans des pays intéressants, au Congo, en URSS ou dans l'Amérique de la Prohibition. Tintin devient le centre d'une véritable intrigue. En l'occurrence, il est accompagné d'un égyptologue et découvre de mystérieux cigares dans le tombeau du pharaon Kiosk. Oui, le jeu de mots est un peu simple, mais ça fait partie, si je puis dire, du charme de Tintin, notamment des premiers albums. Alors, pour tenir le public en haleine, on crée tout un jeu interactif avec le jeune public. Les enfants vont devoir faire eux-mêmes leur propre enquête. C'est d'ailleurs dans cette enquête qu'apparaissent deux inspecteurs de la police secrète, X-33 et X-33 bis. Vous aurez reconnu déjà les futurs Dupont et Dupont qui font comme ça leur entrée assez discrète. Tintin va devenir assez vite. Au-delà de la jeunesse belge, Tintin devient un véritable héros populaire. Les jeunes lecteurs du petit 20e, c'est vrai, attendent ses aventures avec impatience, mais on commence à parler de Tintin en dehors de cela. Avec ce graphisme, cette ligne claire, là aussi nous en parlerons tout à l'heure. On peut dire qu'Hergé va porter cette école de dessin vraiment au sommet. Le graphisme est encore un tout petit peu maladroit. C'est pas tout à fait encore les belles planches de Tintin telles que nous les connaissons. Elles sont en train de s'affiner progressivement. Il y a deux étudiants de l'université de Louvain qui vont faire rencontrer à Hergé Chang Chongzhen, qui est étudiant en peinture et sculpture à l'école des Beaux-Arts de Bruxelles. Et cette rencontre est déterminante. Elle va être à l'origine d'un premier album, il y en aura un beaucoup plus tard, d'un premier album, Le Lotus Bleu. Et là, c'est un second tournant, si je puis dire, puisque Le Lotus Bleu, on monte d'un cran. Les clichés, les stéréotypes sont abandonnés. Hergé s'appuie maintenant davantage sur des éléments réels, sur des événements politiques, le trafic d'opium, par exemple, qu'il démantèle à Shanghai. On parle des ravages de l'impérialisme japonais à cette époque. Et puis, surtout le dessin, alors là, s'affine considérablement, notamment sur la couverture. Voici ce qu'écrit Hergé dans une lettre à Charles Laine, le directeur éditorial de Casterman à cette époque. Il doit y avoir, dit-il, des dégradés, des teintes plus fines. Par exemple, dans le vase et le motif dans le lampion. Il parle de la couverture du Lotus Bleu que nous avons justement sous les yeux, chère Anissa. Ces dégradés, ajoute Hergé, sont nécessaires pour rendre l'atmosphère mystérieuse propre à attirer les gosses. Je considère donc une bonne couverture comme le premier moyen de publicité. Bien écoutez, bien plus modestement qu'Hergé, j'ai dû publier une vingtaine d'ouvrages à ce jour et je suis obligé de souscrire à cet avis. Je crois que la couverture fait dans un ouvrage à peu près la moitié des ventes. We'll be right back. Vous aurez reconnu le générique du dessin animé Les Aventures de Tintin. On parle de Tintin et de son auteur Hergé aujourd'hui dans Au cœur de l'histoire. Alors en 1929, vous le disiez, Hergé crée le personnage de Tintin. Franck, il est alors un jeune dessinateur pour le journal Le XXe siècle. D'où vient Hergé exactement? De Bruxelles, enfin de pas très loin de Bruxelles. Il était né à Etterbeek, donc en 1907, dans un petit village. Il est d'un milieu modeste. Son père Alexis Rémy était employé dans un atelier de confection. Mmh. Quant à sa mère, Elisabeth Dufour, elle était elle-même couturière, enfin elle l'avait été, elle avait arrêté son travail pour se consacrer à la maison. L'enfance d'Hergé n'est pas heureuse, faut bien le dire. Je me sentais médiocre, dira-t-il, et je vois ma jeunesse comme une chose grise. Ça, c'est un sujet que nous allons aborder dans un instant avec Benoît Peters. Je pense que c'est un sujet qui éclaire largement le reste de l'existence d'Hergé, qui a eu cette mère fragile. Pendant la guerre, il connaît les privations, bien entendu, mais même quasiment une forme de misère. Il semblerait qu'il ait pu être aussi victime d'abus sexuels de la part du plus jeune frère de sa mère. Bref, il est possible qu'Hergé, dans le dessin, ait trouvé une sorte d'échappatoire, qu'il ait fui dans le dessin d'une certaine manière. On va voir avec Benoît Peters à quel point cette enfance triste et grise a pu influencer Hergé dans la création du personnage de Tintin. Et en seulement quelques mois, Tintin devient justement le héros préféré de la jeunesse donc, belge. Ce héros populaire dont je vous parlais. Alors, l'amélioration graphique est une chose, l'amélioration du scénario en est une autre. Comme dans Les Cigares du Pharaon, le récit de l'oreille cassée va être particulièrement travaillé. Vous connaissez l'histoire de ce fétiche volé au cœur de la Mazénie qui est présent, donc début à la fin du récit, avec une intrigue extrêmement riche en rebondissements. On pourrait presque dire aujourd'hui peut-être un peu trop riche en rebondissements, mais en même temps c'est ce qui va faire la notoriété, la célébrité du personnage et de ses aventures. Et comme dans Le Lotus Bleu, les allusions au contexte de l'époque, donc en l'occurrence à l'Amérique latine avec sa crise économique latente, avec ses coups d'État, etc., les allusions sont très présentes. Tintin prend, on peut dire, beaucoup de temps à Hergé parce que la documentation pour réaliser la moindre planche est considérable, ce qui ne l'empêche pas de travailler par ailleurs aux aventures de Josette et Joko, ce qui ne l'empêche pas de reprendre les anciens albums qu'il va bientôt vouloir redessiner et remettre et mettre en couleur. C'est un travail considérable. C'est sa femme Germaine qui l'a dit à Benoît Peters en 1988. Il travaillait toujours, même les week-end, on travaillait le soir, on travaillait le samedi et le dimanche, on travaillait à Noël, à la nouvelle année, à Pâques, et on travaille tellement que le surmenage n'est pas loin. On parle aujourd'hui de burn-out, à l'époque plus élégamment on parlait de surmenage, mais Hergé va finir par tomber malade en 1935. Et c'est un album assez différent qui paraît à partir d'avril 37 dans le petit 20e. C'est L'île noire, bien entendu. Alors là encore, on parle de circulation de fausses monnaies, ce qui était un grand problème de l'époque, bien entendu. Mais dans L'île noire, Hergé prend un certain recul, d'une certaine manière. Et c'est le début, me semble-t-il, des albums Nouvelle Manière, avec justement un peu moins de rebondissements, un peu plus d'approfondissement, avec des séquences quasi cinématographiques. Dans L'île noire, il y a carrément une séquence qui est empruntée au 39 marches, première version d'Alfred Hitchcock, par exemple. Quant au gorille, au Ranco, il est probablement inspiré de King Kong. C'est une concession au goût de la jeunesse du temps. King Kong est sorti en 1933, donc c'est exactement cette époque. Donc c'est encore un succès. Hergé gagne quand même bien sa vie. D'ailleurs, il s'achète une première voiture, une Opel Olympia, en 1938. Néanmoins, lui devient célèbre, le petit 20e s'arrache, les albums de Tintin, pour autant, ne se vendent pas encore véritablement. Alors Hergé a l'idée, à partir du feuilleton dans la presse, il a l'idée de toutes sortes de produits dérivés, des calendriers, des puzzles, des albums à colorier, etc. Il faut vous dire qu'on est à l'époque où le journal de Mickey fait des ravages et où les personnages de Walt Disney sont en train de déferler sur l'Europe avec là, déjà, des produits dérivés et tout le savoir-faire commercial américain. Hergé va publier à l'été 1938 sa huitième histoire, c'est Le Sceptre d'Autocar. Le Sceptre, nous dit Benoît Peters, voit l'apparition d'une figure encore plus marquante, mais dont Hergé était loin d'imaginer l'importance qu'elle prendrait dans la série, Bianca Castafiore. le moins que l'on puisse dire est que la cantatrice n'éveille pas l'enthousiasme de Tintin lorsqu'elle interprète pour la première fois son fameux air des bijoux. Plutôt que de l'entendre chanter un second morceau, il quitte la voiture sous un vague prétexte, préférant affronter les pires dangers plutôt que de rester un instant de plus en compagnie de la diva. La féminité, conclut Benoît Peters, a décidément bien du mal à se faire une place dans la série. C'est vrai que jusqu'alors, tous les personnages, même le petit chien, tout le monde est masculin chez Tintin. Arrive enfin un personnage féminin et il se trouve que c'est une virago impossible. Elle va prendre peu à peu une rondeur, si je puis dire, à tous les sens du terme, et une personnalité qui en feront plus tard un personnage d'une infinie richesse. Mais ça n'était pas le cas encore dans le sceptre d'Ottokar. Alors, l'histoire se passe dans un pays imaginaire, la Sildavie. C'est un petit royaume de l'Europe centrale tel qu'on l'aime. Vous savez, un royaume plein de traditions. Une allusion directe à l'époque, puisque la Bordurie qui tente d'annexer la Sildavie, ça rappelle évidemment, on est en 38, hein, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, ça rappelle l'Anschluss, bien entendu, l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne. D'ailleurs, le méchant de l'histoire s'appelle Mustler, M-U-2-S-T-L-E-R, donc c'est la contraction de Mussolini et d'Hitler, vous aurez compris. Le 1er septembre 39, l'Allemagne, ça, je ne vous apprends rien, envahit la Pologne et Hergé, à ce moment-là, est mobilisé. Vous savez que la Belgique va rester neutre. On sait ce qu'il adviendra de la neutralité belge. Il n'empêche que, en attendant, Hergé est démobilisé. Il se remet aussitôt au travail. Et le 28 septembre, on titre « Tintin est revenu ». Sauf que là, maintenant, il porte l'uniforme militaire avec son ordre de démobilisation bien en évidence. Quant au petit Milou, il arbore l'emblème de la Croix-Rouge. J'allais dire Tintin. Ne confondons pas. Hergé est rappelé, il devient lieutenant à Anvers, il ne peut plus dessiner qu'une page par semaine dans le XXe siècle, qui à l'époque est en pleine crise. Hergé tombe de nouveau malade, il a une sinusite, des crises de furonculose, et le 10 mai, il est déclaré définitivement inapte au service. Alors, il y a l'exode consécutif à l'invasion de la Belgique, mais très vite, dès le 30 juin, Hergé est de retour à Bruxelles et il va se remettre à travailler. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il ne sait faire que cela, et c'est son monde, et c'est son moteur. Il a écrit 8 Tintins, il a commencé le 9e, hein, il vient de commencer Tintin au pays de l'or noir. Il a, je vous l'ai dit, créé d'autres personnages, notamment Quick et Flupke. Il l'illustre, il fait beaucoup de couvertures, il fait beaucoup de choses, bien entendu. Il n'a que 33 ans à l'époque, c'est ce qu'il faut bien avoir à l'esprit. Il lui faut vivre, évidemment. Hergé va bientôt accepter de publier, là je vous dis, parle de ça, à partir d'octobre 1940, il va accepter de publier ses aventures de Tintin dans le grand quotidien belge de l'époque. Je devrais même dire tout simplement dans le grand quotidien belge, Le Soir. Sauf que Le Soir, à l'époque, se fait de plus en plus collaborationniste. Un jour, les résistants l'appelleront Le Soir volé. Hergé est le rédacteur en chef du supplément Jeunesse. Certes, ses dessins à lui sont très neutres, mais les problèmes, vous l'avez compris, ne vont pas tarder à survenir. Nous sommes au cœur de l'histoire d'Hergé et son fils Tintin, ce personnage qui vous parle à tous, puisque vous êtes très nombreux à réagir cet après-midi. Et nous sommes en pleine Deuxième Guerre mondiale. Là, vous dites Hergé et son fils Tintin. Je vous signale quand même que notre invitée d'aujourd'hui, Anissa, a écrit une biographie d'Hergé qui s'appelle Hergé, fils de Tintin. C'est d'ailleurs très intéressant d'avoir ainsi renversé les rôles. Et on verra jusqu'où, effectivement, Tintin, d'une certaine manière, a accouché d'un nouvel Hergé. C'est toute votre démonstration, Benoît Peters. Vous écrivez par ailleurs, vous vous posez la question, serait-ce que le Hergé d'après la débâcle éprouve des difficultés à s'identifier uniquement à ce Tintin conçu 12 ans plus tôt, ou en tout cas à le faire vivre seul? Il lui faut un élément stimulant, capable de donner à ses récits une nouvelle dimension. Les aventures de Tintin reposaient jusqu'alors sur une forme d'extériorité, c'était l'actualité au sens large qui constituait leur moteur. Désormais, dites-vous, Hergé va explorer les ressources de son propre univers. Le crabe aux pinces d'or est donc une deuxième naissance, et Haddock, dont le nom était apparu dès 1838 dans un carnet, Haddock est un formidable ingrédient narratif. Au héros creux qu'est Tintin, par support à l'identification du lecteur, vient s'ajouter une figure romanesque plus incarnée qui surgit abruptement dans l'histoire et ne tarde pas à y prendre une place essentielle, je dirais même qui prend beaucoup de place dans Le Crabe aux pinces d'or, ce capitaine Haddock. On va suivre les aventures d'Haddock et de Tintin donc dans Le Soir. Le Soir est obligé de supprimer son supplément jeunesse à mesure qu'on avance dans la guerre et dans l'occupation. L'album qui reprend les différentes planches connaît un gros succès et c'est en 1941 par ailleurs que Hergé va faire la rencontre de Jacobs. Rencontre très importante puisque Jacobs sera son futur collaborateur. Lui aussi va faire beaucoup évoluer les albums. Alors, il y a une question évidemment qu'il faut poser, et si nous ne la posons pas, je fais confiance à un certain nombre d'entre vous pour le faire, c'est la question de l'antisémitisme supposé ou réel d'Hergé. C'est vrai que le méchant de l'Étoile mystérieuse, dont l'album sera le premier en couleur, l'Étoile mystérieuse qui sort dans Le Soir à partir d'octobre 41, le méchant, c'est un banquier américain qui s'appelle Blumenstein, et il y a deux cases qui sont parues dans Le Soir et qui ensuite, au moment de l'édition en album, ont été supprimées, mais les cases en question montrent deux juifs bien caricaturaux qui se frottent les mains en apprenant la fin du monde annoncée par un prophète. Et puis c'est vrai aussi qu'Hergé a illustré les fables de Robert de Vroeland, qui était proche de Léon de Grelle, hein, le patron du parti fasciste belge. Et un des textes était antisémite. Bref, évidemment, ça va peser ça sur la biographie d'Hergé et à la Libération, vous allez voir jusqu'où ça va poser des problèmes à Hergé, qui va être littéralement persécuté au moment de la Libération. En attendant, en 43, il s'attaque à un double album. C'est évidemment Le Secret de la Licorne et Le Trésor de Rackham le Rouge. Alors là, ça c'est la grande réussite narrative. On n'est plus du tout dans des histoires de petits reporters à qui il arrive toutes sortes d'excentricités. Là, cette fois, c'est une véritable histoire conçue comme un grand roman avec des perspectives, des mises en abîme, des retours, des rythmes, etc. C'est tout à fait extraordinaire. C'est dans le second de ces deux albums, dans Le Trésor de Rackham le Rouge, qu'apparaît Trifon, Tournesol. Il devait avoir des origines dalmates d'ailleurs, parce que j'ai découvert que Saint Trifon était le patron de la Dalmatie la semaine dernière, figurez-vous. Bref, les deux albums sont de gros succès. 30 000 exemplaires pour le premier tirage du Secret de la Licorne, seulement pour la Belgique francophone. Il n'empêche que tout ce succès fait qu'Hergé à un rythme de plus en plus endiablé. Il travaille bien plus de 12 heures par jour maintenant, d'autant plus que dès qu'il a fini ses planches pour la semaine, il travaille à la colorisation des anciens albums. Il retombe malade en 44, mais cette fois c'est nettement plus grave. Et là, je crois qu'on peut parler du début d'une véritable dépression. Ça ne l'empêche pas de se mettre à une nouvelle aventure, de travailler aux 7 boules de cristal, qui vont déboucher ensuite, vous savez, sur le temple du soleil. Et au même moment, on peut dire d'Hergé qu'il est un peu dépassé par tout ce qui l'entoure, par tout ce qui lui arrive, et notamment par cette libération. Je vous l'ai dit, il est interrogé à plusieurs reprises, à chaque fois il est relâché. Ce sera pour lui un traumatisme dans le monde d'Hergé. Benoît Peters recueille cette confidence du grand créateur qui dit « Ça a été une expérience de l'intolérance absolue, c'était affreux, affreux », disait-il. Au même moment, la mère d'Hergé est en train de sombrer dans la démence. J'aurais dû vous parler aussi de la fragilité d'un certain nombre de personnes de la famille d'Hergé. Elle va mourir le 23 avril 1946. C'est quelques semaines seulement avant la naissance de ce qui va s'appeler désormais le journal de Tintin, qui va donner à Tintin une véritable gloire. On ne peut plus parler de popularité maintenant. Et c'est une gloire qui, bien loin de se cantonner aux frontières de la Belgique, va devenir une gloire mondiale, planétaire. Tintin est au début, en quelque sorte, d'une deuxième éblouissante carrière. Bonjour Benoît Peters, merci beaucoup d'être avec nous. Alors nous allons revenir sur tout ça, sur la suite aussi, et puis étudier avec vous en quoi on peut dire d'Hergé qu'il est d'une certaine manière le fils de Tintin. Et cet après-midi, nous sommes au cœur de l'histoire de Tintin et de son auteur Hergé. Vous l'avez compris, jusqu'à 15h, nous allons nous balader en Belgique. D'ailleurs, nous irons à Bruxelles juste avant 15h. En attendant, nous découvrons plus en détail Hergé et Tintin avec votre invité Benoît Peters, auteur de Hergé, fils de Tintin, aux collections Grande Biographie chez Flammarion, qui est réédité cette année. Et c'est un sujet qui fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux, Franck. Ça, je ne peux pas dire le contraire. Nous croulons littéralement sur les messages. Christian me signale que Etterbeek aujourd'hui fait carrément partie de l'agglomération bruxelloise, de ce qu'on appelle Bruxelles région capitale, pour être tout à fait précis. Audrey nous demande si on va enfin apprendre le bon numéro pour joindre la boucherie Sans Eau à Moulinsart, parce que c'est 421, 431, on va savoir ça. On me fait également remarquer via Twitter qu'Hergé n'est pas le seul auteur, j'ai pas dit ça, que ce n'est pas le seul auteur de bande dessinée aussi connu que son personnage, parce qu'il y a René Goscinny et Albert Uderzo, c'est incontestable, mais simplement c'est un phénomène relativement rare. D'ailleurs, je crois qu'on doit pouvoir dire alors là que Tintin et Astérix sont les deux héros de bande dessinée les plus célèbres. Spirou vient loin derrière et d'autres viennent loin derrière, Benoît Peters. Et alors, c'est la question que pose Audrey. Ne cherche-t-on pas dans tous les albums d'Hergé, nous demande-t-elle, beaucoup plus que ce qui a mis véritablement Hergé? Et ça, c'est une petite pierre dans votre jardin de structuraliste que vous êtes, Benoît Peters. C'est-à-dire que, évidemment, qu'on a tendance à vouloir chercher des symboles, des détails, toutes sortes d'éléments qui n'ont pas été forcément voulus par le créateur. Mais quel grand créateur, c'est vraiment ce qu'il a fait. Exactement. La part de conscient et d'inconscient est énorme chez tout le monde. Ce qui est sûr, c'est que Tintin, créé en Belgique, dans un milieu relativement étroit, comme vous l'avez raconté en 1929, peut encore être lu aujourd'hui, y compris aux quatre coins du monde, y compris en Chine, qui est le pays où il est le plus populaire aujourd'hui. S'il n'y avait pas autre chose que des anecdotes, si Hergé était simplement le produit de ses intentions et de son temps, on l'aurait oublié depuis longtemps. Entendu. Et on peut le lire à tous les âges. Vous citiez la formule de 7 à 77 ans, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut largement l'élargir. On peut commencer à lire Tintin sans savoir lire avant 7 ans. Et on peut continuer au-delà des 77 ans. Mais bien sûr, indéfiniment. Et j'ai le souvenir ému, je vous le disais avant que ne commence cette émission, de l'ouvrage que vous aviez publié, qui était un travail que vous aviez commencé avec Roland Barthes, une étude, un étoilement, comme on disait à l'école des hautes études, une étude sur l'album Les bijoux de la Castafiore, qui s'appelle Les bijoux ravis. Lire Tintin, Les bijoux ravis, que j'avais fait très jeune et puis que j'ai retravaillé et qui essayait de montrer comment on pouvait lire un album de Tintin, image après image, phrase après phrase, et alors là, avec des résonances infinies. Ah oui. Et réellement, je crois que je ne les ai pas inventés. Il y a d'ailleurs même des lecteurs qui m'ont dit que je n'en avais pas vu assez et qui m'ont envoyé quelques détails que je n'avais pas moi-même décryptés. C'est pas un livre pour Audrey, ça. Ma première rencontre avec Hergé, racontez-vous dans votre biographie, remonte au 29 avril 1977. Il répondit pendant plus de 2 heures aux questions précises et pressantes, souvent naïves, parfois impertinentes, que nous lui posions, mon ami Patrice Hamel et moi-même. Je me souviens de sa disponibilité, de sa curiosité à notre égard et de ses éclat de rire. Je me souviens plus encore de la réécriture intensive à laquelle il soumit le texte de l'entretien avant qu'il ne soit publié dans le numéro 25 de la très littéraire revue Minuit. Ça a dû être pour vous un moment inouï, ça, quand même, de rencontrer Hergé. C'était une émotion. En plus, nous étions venus, mon ami et moi, en autostop. Ça a beaucoup amusé Hergé qu'on soit venu de Paris en stop pour le voir. Et il était très étonné parce que j'étais étudiant en philo à l'époque. Et c'est, mais enfin, est-ce que vous n'avez pas des choses plus sérieuses à lire, et il était un peu surpris qu'on s'intéresse à ce point à lui. Je crois qu'il aurait été encore plus surpris d'imaginer que tant d'années après, je serais encore là à parler de lui avec enthousiasme et à découvrir l'œuvre. Et que Tintin, d'une certaine manière, est devenu une œuvre d'art à part entière. C'est assez extraordinaire, ça, quand même. Vous savez, Hergé a porté vraiment au plus haut l'art de la bande dessinée. C'était peu de choses quand il l'a pris, en tout cas en Europe. Il y avait Ziggy Puce, il y avait le sapeur Camembert, etc. Mais Hergé, tout de suite, a cru que ça pouvait devenir un nouvel art, qu'on pouvait tout raconter. Et moi, ce qui me frappe le plus, et ce pourquoi Hergé est à mes yeux le fils de Tintin, c'est parce qu'il n'a pas cessé de se remettre en question, de vouloir progresser, de vouloir aller plus loin dans le dessin, dans la narration, dans les personnages, dans la finesse de l'humour. C'est quelqu'un qui s'est réinventé avec tout au long de sa vie. Avec de véritables palimpsestes, hein, du reste, puisque l'on voit à mesure des éditions qu'Hergé revenait, refaisait certaines vignettes sur certaines planches et il peaufinait constamment son œuvre. On peut presque supposer qu'il avait le fantasme de la réécrire d'une certaine manière. Hein, de la rendre un petit peu intemporelle ou éternelle, parce qu'au début, les aventures de Tintin sont très liées à la Belgique, avec de nombreuses allusions, dont Tintin au Congo, exemple. Elles sont très liées à leur temps, l'actualité est directement reflétée, et peu à peu, Hergé se demande comment styliser tout cela pour le rendre toujours clair et accessible. Et c'est pour ça qu'un enfant d'aujourd'hui, un enfant de 2016, peut lire le Lotus Bleu, alors que le Lotus Bleu, comme vous le racontiez, il est rempli d'allusions à la période, 30, à une guerre entre l'invasion de la Manchourie par le Japon, etc., qui sont loin de nous, la concession internationale de Shanghai, le sceptre d'autocar liés à l'actualité des années 38-39. Oui, et pourtant, quand nous les lisons, c'est extraordinaire. Et quand nous lisons, et c'est peut-être plus extraordinaire encore, Objectif Lune, on a marché sur la Lune, eh bien, ces albums créés entre 1950 et 1953 n'ont pas été déclassés par l'aventure lunaire réelle de la NASA. Ça, on a toujours l'impression que Tintin est le premier à avoir marché sur la Lune. On est allé aujourd'hui sur la Lune et on continue à avoir le cœur qui bat à l'idée qu'on puisse monter dans cette fusée qui s'en va vers la Lune. Ça, c'est quand même, c'est vraiment très fort. Magique. Et si l'on va encore plus loin, si je puis dire, avec Tintin au Tibet, là, c'est une véritable initiation qui est proposée au lecteur. Là. C'est un album où Hergé atteint ce qu'il doutait de pouvoir atteindre en bande dessinée, c'est-à-dire l'émotion. Quand après la guerre, vous y avez fait allusion, il est dans une grande crise de remise en question personnelle, grande crise dépressive, il écrit à sa femme que peut-être Tintin est trop infantile pour lui, que les émotions de sa vie d'adulte, il ne peut pas les faire entrer en bande dessinée. Or, il nous montrera, particulièrement avec Tintin au Tibet, que oui, on peut. C'est une histoire d'amitié extraordinaire, parce que Tintin part à la recherche de cet ami Chang, inspiré directement du vrai Chang qu'avait connu Hergé. Il part envers et contre tout, envers et contre tous, pensant qu'il peut sauver cet ami, il va y avoir la rencontre avec un abominable homme des neiges, pas si abominable que cela, et tout ça est chargé de tendresse, d'émotion, et en même temps nourri par ce qu'Hergé est en train de vivre à cette époque, c'est-à-dire la séparation très douloureuse avec sa première femme, qui est en filigrane dans l'album. On retrouve une part, sans vouloir faire du Sainte-Beuve à tout prix, on retrouve une part de biographie dans les albums, bien sûr. Hergé est le fruit, j'allais dire Tintin, Hergé est le fruit de son enfance difficile dont on parlait, probablement violentée. Il a rencontré l'abbé Wallet qui lui a donné la clé, en quelque sorte, de son art. Ça, c'est assez extraordinaire aussi. C'est lui qui va le faire entrer haut. Alors, l'abbé Wallet, c'est un personnage très controversé, parce que, par certains côtés, c'est un homme très d'extrême réac, droite, voilà, fasciné par Mussolini, avec des idées politiques assez, assez bizarres. Mais, en même temps, c'est un moderniste, par certains côtés. C'est presque un humaniste aussi. À l'image, il croit au talent de ce tout jeune Hergé, qui n'a travaillé que dans des petites revues scouts. Et il lui commande, en quelque sorte, le premier Tintin. Alors, Hergé dira que l'abbé excellait à placer toute chose à un niveau supérieur, à lui ouvrir l'esprit, à lui mettre des livres dans les mains, alors que pendant son enfance, son adolescence, ses études au collège Saint-Boniface, ça n'avait jamais été le cas. Donc, l'abbé le révèle, mais la deuxième révélation, c'est celle de Chang, et comme vous le disiez, il y aura une série de rencontres déterminantes, Jacobs et un certain nombre d'autres gens qui, chaque fois, éveilleront Hergé à un nouveau monde. Comment expliquez-vous, vous, cette part de dépression dans la... Parce que j'ai dit qu'il était surmené, c'est un fait, mais c'est pas ça qui crée une dépression quand même. Un révélateur, oui, c'est ça. On l'a fait. Je crois que les blessures sont au cœur de l'enfance. Mm-hmm. Il dira quelquefois, et c'est incroyable pour quelqu'un qui a enchanté l'enfance de tant de lecteurs, il dira quelquefois qu'il pense à sa propre enfance avec dégoût. Ah, c'est incroyable. Hein. Alors, il y a là un certain nombre de traumas, probablement liés à la personnalité de sa mère. La mère était très fragile. Dans les lettres que le père, qui voyage beaucoup comme représentant de commerce, écrit au jeune Hergé, il dit « Prends bien soin de ta maman ». Donc on renverse la chose, ce n'est pas la maman qui doit prendre bien soin de son fils, c'est lui qui doit prendre soin d'elle, et certainement qu'il y a chez Hergé une tristesse enfouie. Et je me souviens, dans la dernière interview que j'ai faite de lui quelques semaines avant sa mort, je l'interroge sur sa mère et je dis « Vous n'en parlez jamais ». Et il dit, après un silence, « Parce que j'ai l'impression de l'avoir très peu connue ». Ce qui est quand même étrange quand on parle de sa propre mère, alors qu'il avait près de 40 ans quand elle est morte. Oui, et voilà qui peut expliquer justement... En tout cas, qui explique en partie. Puis la guerre de 14 qui pèse quand même sur son enfance, une certaine pauvreté, l'impossibilité d'aller vers ce qu'il avait envie de faire, puisque ses études s'interrompent très tôt. Hergé sera un autodidacte complet sur le plan du dessin. un autodidacte qui va créer une école, comme c'est souvent le cas, d'une certaine manière. Et puis, il y a cette période de la Deuxième Guerre mondiale, bien entendu, qui a posé problème à tant et tant d'auteurs. Nous y venons avec vous dans un instant. De la bande originale du film Tintin, le secret de la licorne, signé Steven Spielberg, et sorti il y a plus de 5 ans maintenant. On attend la suite, effectivement. Cet après-midi, on parle de Tintin avec votre invité, Franck Benoît Peters, auteur d'Hergé, fils de Tintin, dans la collection Grande Biographie chez Flammarion, et réédité cette année. Et sur les réseaux sociaux, on nous donne un petit secret. Ce qui paraît, quand on décrypte les hiéroglyphes des cigares du pharaon, on retrouve le nom de tous les personnages. Dans la toute dernière édition qu'en a donnée Hergé, puisqu'il, comme je le disais, il retravaillait un certain nombre d'albums à mesure des différentes éditions. Alors, Benoît Peters, est-ce qu'on peut dire que la profondeur qu'on trouve dans un certain nombre des albums d'Hergé vers la fin, le tout dernier album, c'est 1976, c'est Tintin et les Picaros. C'est la seule fois où Tintin est en jean. Hein, il a laissé tomber les culottes de golf, si je puis dire. C'est pas la meilleure idée qu'Hergé ait eue. Je lui disais déjà dans la première rencontre, il peut bien changer de vêtements, alors que Tintin est silhouette. Ben, oui, c'est dommage. Les culottes de golf étaient passées de mode depuis longtemps. Alors, on peut penser que cette profondeur, pour revenir au sujet vraiment, est liée peut-être à toutes les difficultés qu'a pu connaître et traverser Hergé pendant la Seconde Guerre mondiale. Hein, c'était une période vraiment très dure, objectivement. Hergé a démarré Tintin très jeune et dans l'immaturité. Et c'est peu à peu qu'il fait son apprentissage, album après album, qu'il veut se perfectionner. Et la guerre est un moment de retour sur son travail, puisqu'il n'est plus question d'envoyer juste Tintin explorer le monde. Il faut construire les aventures, il faut surtout peupler cet univers. C'est l'époque où apparaît Nestor, Moulinsart, Tournesol, Haddock, oui, le monde s'enrichit, les relations s'enrichissent, et c'est vrai qu'Hergé, à chaque fois, va essayer d'aller plus loin. Quand il entreprendra, on en a dit un mot, la conquête de l'espace, c'est un défi énorme pour lui. Il faut se représenter qu'il va se constituer toute une bibliothèque, toute une documentation, qu'il va aller consulter plusieurs scientifiques de l'époque, et pour chacun des albums qui vont suivre, il y aura le même type de démarche. L'affaire Tournesol, par exemple, c'est un grand livre sur la guerre froide, traité avec humour, mais quand même avec une pleine conscience. Oui, je pense qu'on s'est calmé là-dessus et que l'époque, de toute façon, a beaucoup évolué. Mais il y a eu un temps, il y a encore 30 ans, où Hergé passait pour une espèce de, j'allais dire, de crypto-fasciste. C'est peut-être un peu excessif, mais enfin quand même. Hein, on disait, c'est un homme d'extrême droite, il a collaboré, etc. Je me rappelle, moi, quand j'étais déjà fanatique de Tintin à l'époque, et on me disait ça. Il est collaboré, oui, mais c'est plutôt un collaborateur économique qu'idéologique ou politique. Il a profité de la grande circulation du journal Le Soir. La plupart des aventures faites pendant la guerre sont heureusement tout à fait apolitiques. Oui, totalement neutre. Mais il n'empêche qu'Hergé reconnaîtra lui-même, après coup quand même, son imprudence, son inconscience, au fond, son obsession du travail. Moi, je crois qu'Hergé a passé les années de guerre, à sa table à dessin, travaillant sans discontinuer, ce travail publicitaire du début des années 30 auquel vous avez fait allusion, les couvertures qu'il crée pour Cœur Vaillant, pour le petit 20e, les esquisses, les crayonnés, la recherche documentaire, c'est incroyable ce qu'Hergé a pu travailler. Il était beaucoup plus qu'à plein temps sur ses albums, il croyait à la bande dessinée à une époque où il n'y avait pas de critique, il n'y avait pas d'interview, personne ne s'occupait de ça, et bien lui, il l'a pratiqué avec une intensité extraordinaire. Il me dit, tout à la fin de sa vie, il me dit « J'ai mis dans Tintin toute ma vie et j'ai mis des années à me rendre compte à quel point cette formule était vraie. Non seulement il y a consacré l'essentiel de sa vie, mais je crois qu'il y a mis ce qui lui importait le plus sans jamais se dire « C'est juste pour les enfants ». Il prenait les enfants au sérieux, il les prenait comme un public important. Il montre un monde dur. Quand Haddock boit, c'est un alcoolique au début tout à fait pathétique. Quand Tintin fait des cauchemars, ce sont des cauchemars qui font peur. Ce n'est pas un univers édulcoré. Non, bien comme sûr, les contes de fées, oui. Le monde de Tintin est un monde qui parle du réel aux enfants. Ce monde de Tintin est fourmillant. Le dictionnaire amoureux d'Albert Algout multiplie les entrées, dont certaines sont assez inattendues. Mais c'est le principe même d'un dictionnaire amoureux, d'être très personnel en quelque sorte. On aurait pu en trouver d'autres, d'ailleurs, de ces entrées. On peut dire d'Hergé qu'il est à l'origine d'un véritable univers, en fait. Il a créé autour de lui une sorte de gigantesque bulle, sans mauvais jeu de mots, dans laquelle sont bienvenus les gens de la planète entière. Le premier livre sur Hergé, qui est paru en 1959, s'appelait « Le monde de Tintin ». Mais oui. Et comparait déjà Hergé à Balzac. Car vous savez que dans la comédie humaine, il y a ce mécanisme de retour des personnages. Et surtout, ce qui est extraordinaire pour Hergé, comme pour Balzac, proportion gardée si on veut, c'est qu'on imagine ce que les personnages ont pu vivre entre deux albums. Souvenez-vous du général Alcazar, dictateur en Amérique latine, renversé par Tapioca, devenant lanceur de poignards sur une scène de music-hall, et puis réussissant peu à peu à revenir en politique après avoir acquis des avions dans des circonstances un peu troubles. C'est un personnage qui a un vrai dessin. On pourrait faire une biographie de Haddock, de Tournesol, de la Castafiore, etc. Et l'univers de Tintin est d'autant plus universel qu'il est ancré néanmoins bien clairement en Belgique et tout spécialement pour ce qui est des premiers albums en tout cas à Bruxelles. On entendait tout à l'heure la bande originale du film de Steven Spielberg, Ce secret de la licorne, dont toutes les premières scènes sont dans Bruxelles. Avec le marché aux bus, qu'on peut toujours visiter. C'est ça, qui existe toujours. Il y a vraiment une atmosphère très bruxelloise. Le Séraphin Lampion de l'agent d'assurance de Tintin, c'est le type même du bruxellois, d'une certaine le façon. Bruxellois content de lui, avec un humour un peu lourd. Ce qui est très beau, c'est qu'au fond, Tintin, né en Belgique, dans un petit pays, part immédiatement à la recherche du monde, à la rencontre du monde. Il y a peut-être un des secrets de l'universalité de l'œuvre d'Hergé dans cette origine belge. Il n'était pas porteur d'une culture aussi forte que celle de la Grande-Bretagne ou de la France. Il était dans la curiosité. Merci beaucoup Benoît Peters. Je signale que votre Hergé fils de Tintin chez Flammarion est réédité ces jours-ci, qu'il est réédité dans une version revue et corrigée à la manière d'Hergé d'une certaine façon. Et dans un instant, nous allons justement aller faire un tour du côté de Bruxelles et nous allons rencontrer un Bruxellois bien connu. Et aujourd'hui, nous sommes au cœur de l'histoire d'Hergé et de son fils Tintin. Nous sommes donc à Bruxelles, en Belgique. Et nous y allons justement à Bruxelles, Franck. Oui, nous y sommes grâce au téléphone et grâce à Hippolyte Wouters. Bonjour Hippolyte. Bonjour Franck. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, j'aimerais donner à nos auditeurs envie d'aller passer un week-end à Bruxelles. Il y a tellement de choses à faire à Bruxelles. Alors, vous savez, quand on voit ça depuis Paris, Bruxelles se résume à trois choses. J'allais dire l'Atomium, on n'en parlera même pas. Ça, c'est un vestige de l'exposition universelle. Et puis, bien sûr, la Grand Place. Et quand on va dans les petites rues derrière la Grand Place, on se faufile jusqu'à une statue d'un petit garçon qui fait pipi et qui s'appelle le Mannequin Peace. Pour nous, c'est à peu près tout, vous savez. Eh bien, il y a plus que ça. Il y a plus que ça, je crois. Bon, parlons d'abord de la Grand Place, bien sûr. C'est un petit peu le joyau de Bruxelles. Et nous le devons d'ailleurs au maréchal de Villeroy. Mm-hmm. Votre maréchal, qu'il n'a pas fait l'architecte, mais il l'a bombardé. Ce qui fait qu'il n'en est plus rien resté. Oui, il l'a complètement détruite, cette Grand Place. Ce sont les Bruxellois qui ont reconstruit alors, dans un magnifique style baroque, la Grand Place que nous voyons aujourd'hui. D'où son unité, entre bien sûr. 1696 et 1698, donc tout ça a été construit d'un seul tenant, et nous avons là des maisons absolument superbes, et qui tiennent toujours. Depuis lors, on l'a plus bombardé. Oui, voilà. et tout le tour, de tout ce centre de Bruxelles, oui, est plein de belles galeries également. Il y a des galeries sublimes. La galerie de la Reine, qui est construite au 19e et qui est magnifique. Vous avez aussi la cathédrale Saint-Michel et Gudule. Alors, c'est assez amusant parce que Saint-Michel n'a pas un saint, c'est un archange. Et Sainte-Gudule, à un certain moment, elle a disparu, elle a été rayée. Ce n'était plus que Saint-Michel, pour des raisons mystérieuses. Aurait-il commis quelques forfaits ou quelques péchés qu'on aurait découverts 1300 ans plus tard? Quoi qu'il en soit, elle est revenue aussi mystérieusement qu'elle a disparu. Et nous revoilà de nouveau devant la cathédrale Saint-Michel d'Épitule. Il y a un aspect que vous connaissez bien, c'est un monument que vous avez beaucoup fréquenté, Hippolyte Vouters, c'est le gigantesque palais de justice. J'y reviens. Je fais un petit peu les choses par, comment dire... Par quartier. Par quartier, vous avez justement à côté de la Grand Place, vous avez le Mannequin Piece, qui est un des comment dire, qui est frappé d'énurésie permanente et qui est photographié, mais alors de manière absolument extraordinaire, et qui est quand même doublement décevant par sa taille. Oui, hein, voilà, vraiment. Donc, oui, tout le monde dit. Oh, j'aime bien le doublement décevant, qu'on prenne qui pourra. Hein. Voilà, oui. Rien n'échappe à votre œil de la larynx. Et alors, parlez-nous de ce palais de justice qui, lui, en revanche, par sa taille, est impressionnant. Ah oui, le palais de justice, ça c'était gigantesque. Il est énorme, vous savez qu'il est aussi profond qu'il n'est haut. Oui, oui. Il a été construit à cheval sur la ville basse et la ville haute. C'est ça. Et alors, il y a là, c'est vraiment le temple de la place perdue. Ça a été uniquement construit, non pas pour permettre à beaucoup de fonctionnaires ou de magistrats d'y travailler, mais simplement pour écraser le justiciable. et vous savez que dans les hauteurs du palais de justice, il y a des salles où, comme on dit ici, la main de l'homme n'a même jamais mis le pied. Et tout ça en style assyro-babylonien. Ça vaut quand même la peine de jeter un coup d'œil. Oui, il est toujours en travaux, je crois. Il est constamment couvert toujours, de... Il y a des on a mis des échafaudages. Donc, pour réparer les pierres à l'avant, mais on n'a plus le budget pour enlever l'échafaudage. C'est ça. Quelqu'un m'a dit un jour, je ne sais pas si c'est vrai que... Les échafaudages vont bientôt faire partie du décor. Oui, je pense que ça fait partie du spectacle. On m'a dit un jour que ce palais de justice était aussi grand que le Capitole de Washington. Je ne sais pas si c'est vrai. C'est énorme. Hein, c'est gigantesque. Six étages... sextuple sous-sol. Quand on aime évidemment l'art nouveau, on est heureux à Bruxelles, car il suffit généralement de tourner les yeux de droite et de gauche pour voir de magnifiques façades, des maisons extraordinaires, dont la plus célèbre est la maison Horta, bien entendu, où l'on peut voir. Il y en a d'ailleurs plusieurs. Et on voit souvent dans les rues des groupes qui regardent ces façades avec une admiration non feinte et des explications en général extrêmement savantes. Merci beaucoup Hippolyte de nous avoir donné petite teinture bruxelloise. Oui, un mot, dites-moi. Oui, encore un petit mot. Enfin, je zappe ici. Hein. Oui. Vous avez le cinquantenaire qui est au fond de notre arc de triomphe à nous. Oui. Bon, vous avez la place du musée qui est fort peu connue et qui est accrochée à la place royale où il y a un magnifique bâtiment 18e qui est la façade arrière de notre bibliothèque. On ne pourra pas tous les évoquer, Hippolyte, mais le monument le plus remarquable de Bruxelles, à mon avis, c'est un monument vivant, c'est un auteur de pièces de théâtre qui est capable d'écrire en alexandrin et je crois qu'il s'appelle Hippolyte Vouters. Je vous remercie beaucoup. Celui-là, je ne le connais pas. Merci, Hippolyte. Et je signale par ailleurs qu'on peut évidemment visiter toutes sortes de lieux consacrés à Hergé, mais le musée Hergé en tant que tel se situe dans la province du Brabant Wallon, à Louvain-la-Neuve. Il est ouvert du mardi au vendredi. C'est ouvert aussi le samedi et le dimanche de 10h à 18h. À propos de samedi et dimanche, nous nous retrouvons demain pour une autre rediffusion, Anissa. C'est du 7 sur 7 cette année. C'est du 7 sur 7. Et puis bien sûr, lundi à 14h en direct. Demain, rendez-vous donc avec Franck pour découvrir ou redécouvrir le parcours de Jacques Cartier.